bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un épisode de La Bonne Franquette un peu spécial, hein, on va pas se mentir. J'adore dire qu'une vidéo ou qu'un podcast est spécial. J'aimerais le dire à tous les podcasts, ils sont tous spéciaux. Ils sont tous spéciaux en vrai. C'est incroyable ce qu'on fait. C'est peut-être le meilleur contenu qui existe sur Internet. Je pense. Shut up, Kanye. Shut up, Kanye. Parce que tu le connais, il parle beaucoup, ferme-la, Kanye. Hein. Ouais, hein. On te connaît. Mais en fait, c'est un peu spécial puisqu'on a une invitée. Exact. Hello. Il va se présenter. C'est son premier podcast. Exactement, je ne suis pas très très à l'aise. On va te mettre à l'aise. Je compte sur vous. On t'a quand même bien accueilli. On peut le dire. Alors qu'en vrai, elle a préparé beaucoup de ces choses, donc c'est elle qui nous a accueillis en vrai. Alors, moi c'est Juliette. Je me présente maintenant. Oui, c'est le moment. Moi c'est Juliette, j'ai 23 ans. Je connais Vincent depuis 23 ans. Et je connais Quentin depuis quelques années maintenant. Ouais, c'est une vraie. Depuis ça fait un an, je pense. Deux ans, je pense. Ah ouais, 2 ans. Et voilà. Et je m'entends très bien avec eux. Et voilà. En fait, c'est un peu comme si c'était ma cousine. Exactement. Puisque c'est... Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on se présente à chaque fois pour faire la version courte. Parce que c'est la fille de ma marraine, en fait. Donc, arrêtez de me demander qui c'est par rapport à moi. J'en ai marre de répondre à cette question. Ouais, t'as vu les commentaires à chaque fois, c'est chiant. Hein. Mais les gens qui sont au courant le demandent quand même tous les ans. c'est ça. Oui. Tout le temps. Alors, deux solutions. Soit ça ne les intéresse pas à chaque fois que vous le dites, soit ils ont des problèmes de mémoire. Ou les deux. Je pense que c'est plus le premier. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup plus à manger que d'habitude. Ben, d'habitude, ça... je crois qu'on n'a jamais fait un podcast avec à manger. Il y avait à boire. Avec Roberto, on avait des bonbons, je crois. Aussi ? Ouais, gros mais... festin. Okay. Mais là, on a vraiment beaucoup à manger parce qu'en fait, on a fêté mon anniversaire hier. Primeur. Et il y avait pas mal de restes. Gros primeur. C'est vrai que je frime à fond. Est-ce que je peux frimer en montrant avec ses cadeaux. Le mug qu'on m'a offert, qui est un mug avec marqué dessus I've got a big banana. Ce qui, d'après Quentin, est totalement faux. Alors, bon, les personnes qui nous écoutent ailleurs que sur YouTube ne pourront pas la voir, malheureusement. Mais vous pouvez vous l'imaginer, c'est... Ne l'imaginez pas, venez voir les vidéos YouTube, en fait. Exactement. Puisque vous faites, voilà, c'est tout. J'ai reçu pas mal de choses un peu marrantes, j'ai reçu un petit punching ball de bureau. Mm. Bah d'ailleurs, bureau, on voulait parler de quoi aujourd'hui? Des anecdotes. Oh là là, la transition. Exactement. Mais attends, t'es animateur radio, je suis incroyable. Animateur. Incroyable. On tient quelque chose. Hein. Waouh. Alors... T'es viré. Ah, parce que c'est moi l'animateur maintenant. Ok, alors, du coup, le principe aujourd'hui, c'est qu'on fait tous des métiers extrêmement différents. Juliette, toi, t'as été serveuse pendant un moment. Pendant 2 ans, à côté de tes études. Exactement. D'ailleurs, tu peux peut-être vite parler un petit peu de tes études ou de ce que tu fais. Alors, actuellement, je suis assistante d'achat chez Auchan. Alors, les gens ne savent pas ce que c'est assistante d'achat, mais... Allez voir sur Internet, ce sera bien. Et on n'est pas là pour vous aider, d'accord ? Exactement. Prenez-vous en main, d'accord ? Prenez-vous en main. Je reprends mes études à la rentrée pour faire un master en communication, en alternance, et je serai acheteur catégorie manager junior chez Auchan, toujours. Attends, mais c'est une voie d'entretien d'embauche. Oui, exactement. J'allais dire en pièce jointe. Pour tous les recruteurs. Pas du tout. je mettrai son CV en PDF dans la description. Pour tous les recruteurs qui nous écoutent. Au cas où. Du coup, voilà, effectivement, donc tu as fait barmaid. Exactement, pendant 2 ans, dans 2 bars différents. Voilà. Et j'ai fait plein de jobs d'été aussi. Hein, à Lille, donc, la ville de la pluie, du pas ciel du gris tout. Et de l'alcool. Ça, c'est Brest. Bien sûr. Ouais, on va pas se faire... Non, franchement, t'as pas sur les Bretons, parce que là, on n'a pas fini, là. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous fait tous les trois... on a tous fait tous les trois, ouais, parce qu'on est... Ouais, bref. Ouais. on a tous fait des métiers, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, extrêmement différents. Des jobs d'été ou d'autres choses. On en avait déjà parlé, notamment dans le tout premier épisode de La Bonne Franquette, à l'époque où ça ne s'appelait pas La Bonne Franquette. Ben si. Non. Le tout premier épisode, on a trouvé le nom après, mais c'est en faisant le montage qu'on s'est dit « Ah putain, La Bonne Franquette, ça pourrait être stylé. » Ouais, on n'avait pas encore de nom, c'est vrai, pendant qu'on tournait. Du coup, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un auto-ressource. Pour le numéro 13... Donc, est-ce que ça... soit c'est le meilleur épisode, donc, soit c'est le pire. À partir de maintenant, on va faire que recycler les sujets qu'on avait déjà. Exactement. Comme ça, bah, plus besoin de trouver d'autres cycliques. Ça va être vraiment sympa. Mais du coup, effectivement, ce qui est cool, c'est qu'on a tous fait des métiers très différents, avec des gens très différents, dans des lieux très différents. Donc, on va faire un petit mash-up. Voilà, c'est ça, un medley de nos anecdotes. Une mixtape. Exactement. une mixtape où juste tu racontes des trucs. La track 1, on travaille chez Auchan. Non, c'est cool parce que voilà, c'est cool tout simplement, c'est très cool. Est-ce qu'on a besoin d'une raison supplémentaire? C'est cool, non, c'est non, tout. C'est cool. On est les cool kids, on est les cool kids de L'émission YouTube. L'émission est cool, nous sommes cool, tout est cool. C'est vrai qu'on est ultra cool, putain. On est hyper beau en plus. C'est beau, putain. Honneur aux dames, alors on finira avec un petit jeu bien évidemment, mais en attendant, honneur aux dames, Juliette, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, première anecdote. Je travaillais au bar depuis quelques mois déjà. Tout se passait très bien et un soir il y a deux mecs qui viennent qui prennent des bières parce que on est dans le nord hein, c'est un bar en fait voilà. Oui aussi et puis on est dans le nord, les bières sont assez fortes enfin voilà et ils enchaînent les bières mais vraiment pour parer au fait que il pleut tout le temps faut oublier ça en fait je vais m'énerver la alors désolé de te couper mais c'est une vraie question Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie tout question. Le reste, c'est les fausses qui sont ça, c'est une vraie question. Mais est-ce qu'il y a proportionnellement dans les commerces et dans les bars plus de bières fortes dans le Nord qu'en Alsace, par exemple? Puis plus de bières bonnes, ça, c'est indéniable. Fortes. Oh, forte. Ça va. Mais fortes aussi, je pense que les plus fins. Ouais. Les bières belges font partie des plus fortes. Ouais, c'est vrai. Donc, parce que je pense. Hein. Je crois qu'on l'a jamais dit dans le podcast, mais en tout cas, nous, on est en Alsace. Je sais pas si on, a, si non, on l'a déjà dit, je crois je pas. Je pense pas. On a déjà parlé de Strasbourg, ouais, tout ça, mais effectivement. On disait qu'on était à Strasbourg. Dans la belle ville de Strasbourg, et du coup, Juliette nous vient. J'habite à Lille. De Lille. Voilà. Lille de quoi? Lille. Il me l'a fait à chaque fois, hein. Sachez-le. Sachez-le. Ah, j'aime bien les blagues recyclées. Lille de deux mecs qui rentrent dans un bar pour prendre des bières et. Voilà, et ils enchaînent, du coup, ils sont. Très légèrement sous. Et voilà. Et au moment de payer, ils demandent à mon patron pour avoir un verre gratuit. Sauf qu'ils étaient vraiment très sous. Hein. Le légèrement, c'était. Attends, il suffit de demander un verre gratuit quand on prend l'addition par an. Alors, normalement, non. C'est le patron qui décide, en fait. Ou nous qui décidons. Mais je crois que tu et là, il a réclamé. Tu m'avais déjà raconté cette histoire. Bah, et alors, ton auditoire ne connaît pas cette histoire. Bien sûr, évidemment. Quentin non plus, d'ailleurs. Moi, j'ai hâte de la peut-être. Non, je ne la connais pas du tout. Non, je ne crois si pas. Si lui, il ne la connaît pas, je ne la connais pas. Mais si, il la connaît, il vient de le dire. Ah, tu la connais? Mais je m'en souviens plus. Okay, non, mais bref. Juliette, tu la connais? Juliette. Parce qu'elle s'est installée, on allait faire le podcast, elle s'est installée. Donc, j'ai vu de la lumière, je crois. T'es qui en Tiens, phrase qu'on entend souvent au bureau. J'ai vu de la lumière, donc je suis rentrée. Oui, c'est vrai. Sachez-le. C'est vrai. Enfin, bref. Et donc, du coup. Une bière gratuite. Je peux la faire, mon histoire Pardon. Il ne pleut rien. Et donc, du coup, ils réclament ça. Le patron refuse parce qu'ils étaient beaucoup trop sous. Et le ton commence à monter parce que monsieur avait décidé que s'il n'avait pas son verre gratuit, il ne payait pas. Voilà. Les esprits commencent à s'échauffer, ils ont failli en venir aux mains. Au final, il a accepté de payer, sauf qu'il était vraiment trop sous. Il a fait 3 codes faux à sa carte bleue. Du coup, il n'a pas pu payer. Et il a dû appeler sa mère. Ah ouais? à minuit passé pour qu'elle vienne payer ses bières, en fait, alors que le mec avait. 35 ans à peu près. Un classique. Je pense qu'on peut dire. Cher. Un peu la loose. Le karma. Pour une anecdote qui se passe dans le Nord, ça ne m'étonne pas. Étrangement. Il a dû, à 35 ans, il a dû appeler sa mère pour payer ses bières. Le type d'un article un putaclic. Bon Si ça se trouve, il habitait encore chez elle, on ne sait pas. Peut-être. comme ton voisin d'ailleurs. Oui, alors. Grosse histoire. Ouais, je sais pas si je la raconte maintenant, mais bon, effectivement, bon, allez, on est dans le sujet, donc je peux en parler. Enfin, c'est pas le sujet à proprement parler, mais le fait qu'un mec très vieux habite chez sa mère. Bref, c'est le sujet. J'habite dans un appartement non loin de Strasbourg, superbe, très tranquille. D'ailleurs, pour l'anecdote, anecdote dans l'anecdote, c'est vraiment simple. J'habite à 200 mètres de mon école primaire, donc un établissement que j'ai quitté il y a genre, je sais pas, tu rentres à l'école primaire quand t'as 6 ans, non? CP, 5, ouais. 6 ans. Et tu en sors quand t'as 11 ans, donc j'y étais pas allé depuis 12 ans. Et puis je me suis installé là-bas parce qu'il y avait un appartement pas cher, très cool. Bref, comme quoi on revient aux sources. Petit, hein. Exactement, on revient toujours aux sources, à l'école primaire, Molkenbrunn représente. Ah, mais du coup, est-ce que t'es allé en classe quand même ou... Bien sûr, ah bah j'y vais tous les jours. Ah. Tu sais, moi je suis un élève assidu, je veux dire. Et les maths, ça va? Les divisions? Toujours pas, les divisions, même 12 ans après, c'est impossible. Genre, je comprends pas. Et les additions, pas. Ça, ça va. Ouais. 4 plus 8 multiplica... Attends. Alors. Ça fait 12. Putain, bien joué. Yes, merci. Elle n'était pas évidente, celle-là. Merci, merci, ça fait plaisir. Et du coup, effectivement, j'ai un voisin, comme tous les gens qui habitent en appartement ou même dans les maisons, en fait. Et il s'avère que cet homme, déjà, est très surprenant de par son apparence, parce qu'il se balade très souvent... À poil. Bah, presque, en fait. En caleçon. Non, parce que sinon, ça serait un attentat à la pudeur et du coup, on pourrait appeler... Du coup, on pourrait l'enfermer. Mais en caleçon, où? Oui, vraiment. Bah, en bas de l'immeuble, dans l'immeuble et tout. Enfin, quand il sort, il est souvent en caleçon ou en short, tu vois, mais en tout cas, torse nu. Et on parle, bien sûr, d'un physique qui est quand même quelqu'un de très imposant, avec du... Un beau bidon. Une forêt, tu vois, enfin, vraiment... une forêt amazonienne sur le torse. Un dad bod... Tu vois, donc vraiment le corps d'un père qui se laisserait un petit peu aller, parce que bon, c'est forcément quand t'as des enfants et tout. Ouais, quoi que c'est pas une excuse en vrai. Non. Et est-ce que tu voulais dire un truc? Non, rien. Non, parce que t'as fait... J'ai pas fait exprès. Et du coup, effectivement, c'est déjà, donc, physique, on va dire, aux yeux de tous... Physique spectaculaire, voix de Renaud, mais encore plus abusée. Genre, il a vraiment une voix, mais comme ça, extrêmement grave. Très rauque. Toi, tu l'as déjà entendu, tu peux en témoigner. Ouais, ouais, je ne sais pas pourquoi, mais il gueule tout le temps. C'est incroyable. Il ne parle jamais normalement, mais tout le temps. Avec une voix comme ça, il est obligé. Mais c'est incroyable. Franchement, je ne l'ai jamais entendu parler comme ça. Tout le temps, il crie. Je vous jure que c'est vrai. Il ne parle pas normalement. Et le pire, c'est quand il appelle des gens au téléphone, parce que. Bah, du coup, il gueule tout le temps, même à des heures, genre 22h, 23h et tout. Et pour encore, parce que l'histoire ne se finit pas là, mais pour en rajouter une couche, il vit avec sa mère qui est bien plus vieille, parce que là, on parle de quelqu'un qui a au moins 40 ans. Hein, et vit avec sa mère qui est bien plus vieille et il s'engueule tous les jours avec. Genre, j'entends souvent « Laisse-moi tranquille, maman, tu me fais chier. » Ouais, genre, ou alors « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Non. C'est trop bizarre comme bail. Comme situation. Quelle horreur. Et ouais, il fume aussi. D'où la voix, certainement. De quoi? Peut-être, mais enfin, ouais. Ah, il fume des... Je sais pas, voilà, il y a une certaine senteur qui se dégage de l'appartement. On va dire ça. Et il est, mais c'est bizarre parce que il est cool mais très brut de décoffrage. Genre, une fois je m'étais enfermé dehors parce que je suis un imbécile, et j'avais demandé à une grand-mère à côté, parce que c'est un immeuble dans lequel il y a beaucoup de personnes âgées. Shout out toutes les personnes âgées, les maisons de retraite, on est ensemble. Et du coup j'avais demandé une radio, parce qu'on peut ouvrir une porte avec une radio d'hôpital, c'est assez facile à faire. Voilà, petite technique. Ah, donc à, t'es à allé les... chez les vieux pour demander ça, quoi. Exactement. Est-ce que vous avez une radio pour de me cambrioler votre hanche? C'est je fou. Sais que. Tu sais que je lui ai pété la hanche exprès, on est allé à l'hôpital, on a fait une radio et j'ai pu rentrer chez moi. Et du coup, finalement, elle n'en avait pas. Et au bout d'un moment, lui se pointe et il me voit galérer et je lui dis ah, mais vous auriez pas une radio ou je sais pas. Il me fait oh non, t'inquiète, viens, laisse-moi faire, on va péter la porte et je te la remplacerai. J'ai en mode non, vraiment pas. En fait, je vais appeler juste un serrurier, ça va coûter cher, mais au moins j'aurai ma porte et tout. Ce mec est trop bizarre, je sais pas. En fait, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour en arriver là, tu vois. Ouais. Parce que le nombre de trucs qui sont absurdes, c'est, on dirait presque un sketch, tu vois. Bref, voilà, c'était une petite digression par rapport à ça, mais fallait absolument que j'en parle parce que c'est très spécial, ouais. Très très spécial. Ouais, l'ayant déjà vu se balader torse poil dans les couloirs. Torse poil. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce gars, c'est abusé. Ouais. Bref. Quel beau gosse. Du coup, effectivement, hein. Quelqu'un de bourré du coup qui doit appeler sa mère pour payer ses biens, ouais. Parce qu'il a payé 3 fois, donc il y a eu 3 refus. Mais ouais. Est-ce que ta carte bancaire au bout d'un moment elle est bloquée? Oui, quand ah tu ouais fais 3 codes faux, c'est pas 3 refus en fait, c'est juste qu'il s'est trompé de code. Et là c'est bloqué. Et au bout, ouais, c'est bloqué parce que c'est comme si, imagine, on te la vole et tu peux tenter tous les codes de la terre. Ouais, non, c'est clair. Non, bah je savais pas, c'est bon à savoir. Ouais. Ouais, faudra que je fasse attention. Dès ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, c'est vrai. T'as déjà bloqué ta carte? Oui. Crayaille. T'étais sous? Non, pas du tout. Non. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Genre, je me rappelais plus du tout de mon code. Ouais, ça arrive. Ah ouais, c'est un ça truc arrive de fou. Et ouais, du coup, j'ai essayé, mais j'ai pour pas peu réussi que tu t'en rappelles pas, après tu le rates. Et, oui. Et mais ouais, c'était et dans ça, quelle en plus, situation? Ça te stresse. Tu te dis, t'en ouais, reste plus qu'un. C'est ça. Même sur l'iPhone, t'as ce genre de truc, tu vois. Ouais. T'es en mode, oh putain, il m'en reste plus qu'un. Qu'est-ce que je fais ? Tiens, tu peux juste me le désactiver ? Ouais. On a un timer encore une fois. Alors que, voilà, nickel, on a encore... 10 minutes avant que je relance la caméra. Mais du coup, c'était quel contexte ? C'était au supermarché ou c'était où ? Non, c'était au bar. Non, pas du tout. Ah bon ? J'étais pas bourrée, donc c'était pas au bar. Ah non, quand t'as bloqué ta carte ? Oui, quand j'ai bloqué ma carte. Non, c'était, je crois que c'était au supermarché, mais je saurais plus te dire, c'était il y a quelques années déjà. Ouais. J'en ai vécu des choses. Ah là là. On passe des choses en. T'as 23 ans aussi ? Ouais. On passe des choses en 23 ans. Aïe, aïe. Le temps passe vite, c'est fou, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de jeunesse. Donc d'ailleurs, en tout parlant de « il n'y a plus de saison », qui est une belle expression, encore une fois, qu'on peut sortir au bureau, ouais. On voulait parler un peu de ces expressions qu'on entend très souvent au bureau. Alors, Quentin, on n'a pas entendu beaucoup à part. Bah, franchement, celle que vous m'avez sortie avant, non, à part le je suis rentré parce qu'il y avait de la lumière. Enfin, j'ai vu de la lumière, ouais, je suis rentré. Ça, c'est même un truc que j'utilise parfois parce que c'est drôle, tu vois, en soi. Ça reste un peu beau quand même. Ouais, mais c'est marrant, tu vois. Si tu l'utilises au second degré, je trouve que c'est marrant, tu vois. Mais il y a effectivement des gens au premier degré qui disent, franchement, ça s'est rafraîchi. Hein. Ouais. Oui. Le temps en ce moment, ouais, c'est plus. C'est n'importe quoi. Hein. Ouais, non, vraiment, il n'y a plus de saison. La fonte de la capote glaciaire. Ça, on raconte pas. Hein. Non, mais il y a ça en parlant de saison. Il y a aussi le. Comment ça va ? Ouais, ça va chaudement. Jamais entendu. Le genre de phrase que vraiment mon père fait tout le temps. Vraiment. J'ai jamais entendu. Mon père qui sort des expressions. Incroyable, incroyable. Magnifique. Tel que la dernière fois, il a sorti... Je suis fier de lui. Il a sorti... Dis-toi que la tête qu'on a aujourd'hui, on la regrettera dans 10 ans. Hein. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Hein. C'est philosophe, vrai. L'homme. Le boug est philosophe. Ou alors, il y en a une qui me tue de rire. C'est... Ouais, quand tu l'entends tout le temps... Ah non, elle est tellement bien. Il dit, avant, on était jeune et beau. Maintenant, on est plus que et. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, Quentin. Ouais, c'est celle-ci. Mais c'est parce que c'est drôle, mais en soi, la phrase, elle est claquée, tu vois. Oui. Mais c'est drôle, je suis d'accord. No offense, hein, mais... C'est bon, pas drôle. C'est non, pas, mais la phrase est... Non, mais je suis d'accord, la phrase est claquée, ce n'est pas drôle. On n'est plus arrêtez que... de l'encourager. C'est vrai. Franchement, une bonne bière en main, tu sais, le regard un peu comme ça. Ouais. Ouais. Avec tout ça, on n'est pas dans la merde, tiens. Ça, on n'entend pas ça au bureau, par contre. Qu'est-ce qu'on peut entendre au bureau aussi ? Dans les boîtes de pub, tu as aussi beaucoup d'anglicisme. Ouais. Genre après le plans board, on se fait un petit call. Un petit call, un teamwork. Enfin, ça, c'est vrai que on l'entend. Mais ça dépend des entreprises. Genre, par exemple, j'ai travaillé pour Wurt. Donc, entreprise de... Shout out, Wurt. Shout out, mes employeurs, merci. Enfin, mes collaborateurs, puisque je suis mon propre patron. Oh là là. Mais effectivement, j'ai jamais entendu ça. Mais par contre, ah ouais, faudra que je parle. Oh ouais, j'ai mon anecdote. C'est vrai ? Pour Wurt après. Mais ah oui. Ouais, effectivement, ouais, dans les boîtes de pub, beaucoup de trucs en anglais. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le. Les boîtes de com. Le fameux ça va ? Comme un lundi. Jamais entendu non plus. Bah, moi, je l'ai déjà sorti et j'ai vraiment honte de moi. Mais moi aussi, je l'ai déjà sorti et en sortant, je me suis dit « Ah non, ça y est, je suis devenu une de ces personnes. » Exactement pareil. Je suis mon U. Ah, putain. Ouais. Mais c'est fou, j'ai jamais entendu ces expressions. J'ai aussi une... J'ai aussi une patronne qui sortait souvent... Je te réponds plus tard, je suis sous l'eau là. Tout le temps. Oui, des... c'est ah, vrai. Ça j'ai déjà entendu. Je suis sous l'eau. Je suis sous l'eau. Comment ça, t'as du mal à respirer, c'est ça, on va à l'hôpital. Non, je... Attends, j'appelle ton propriétaire pour qu'il appelle les urgences pour. Running gag. Le bon running gag. À chaque fois, pour l'instant, on arrive à la placer dans chaque épisode. C'est vrai. Je crois que dans celui avec Rob, on a réussi à le placer aussi. Il y en a en parlant d'eau, il y a celui aussi que ma patronne faisait la même. C'était je fais ça au fil de l'eau, quoi. Genre un truc pas très important. Mais ça, tout le monde le dit. Ça, c'est plutôt tout classique, c'est normal. Ça se comprend. Moi, je l'avais jamais entendu avant cette boîte. Voilà. Ok. Parce que tu vis dans ton petit monde. Ouais, c'est vrai. Fais attention qu'à toi. Ça, c'est vrai. Ça. You selfish bastard. Voilà. Apparemment, c'est. Bah écoute, je vois que ton papa t'appelle. Exactement. Parce qu'il doit venir la chercher d'ici une demi-heure. Normalement. Et bah comme on a prévu de toute façon d'arrêter la caméra, parce que... Tu veux faire une pause ? Ouais, on peut, okay, on peut faire une pause. Maintenant, attention, pause. Rebonjour, voilà, c'est bon. On a réglé ce petit contretemps. C'est ça. De quoi en parlait-on déjà ? C'est une bonne question. Bah écoute, ça a duré une seconde. Pour nous, c'était ça a duré 10 minutes. Ouais. Exactement. Mais écoute, enchaîne directement sur ton anecdote, Vincent. C'est vrai, ok. Bon, bah alors, moi, mon anecdote, c'est dans le c'est pas vraiment dans le contexte du travail. C'est surtout que, en fait, je devais aller travailler à Paris pendant quelques mois. Je l'ai déjà dit pas mal de fois sur ce podcast. Et en fait, pour me loger, vu que c'était juste une affaire de quelques mois, j'ai fait du Airbnb chez une personne de 40-45 ans. En banlieue. En banlieue parisienne. Une très, très gentille personne, d'ailleurs. Et en fait, disons que j'avais... C'est un homme, voilà. Et j'avais, disons, quelques doutes sur sa sexualité, dirons-nous. Ce qui n'est pas un problème en soi. Ce qui n'est pas du tout un problème. C'est juste que tu te posais la question. C'est ça, voilà. Ouais. Est-il de l'autre bord, hein, comme on peut le dire. Et en fait, j'ai... disons que la vérité m'a éclaté au visage. Attends, non, raconte pourquoi tu te posais cette question. Parce que la première fois qu'on le voit... Ouais. Un homme lambda. C'est Simba, le roi lion d'ailleurs. T'as dormi avec un lion pendant 6 mois. Non, en fait... Qu'est-ce qui t'a amené à cette question? Ce qui me faisait me poser la question, c'était que... J'allais très souvent faire du sport, de la musculation. Et de temps en temps, j'avais droit quand même à quelques petites remarques agréables pour mon physique. Du style ? Du style, dis donc. Ça s'entretient. T'as des gros... Ouais, ça, exactement. Ça s'entretient. T'as des gros bras et tout. Fais pas trop... Attends, il t'avait envoyé un message un jour, genre « Fais pas trop de muscu, t'es très bien comme t'es. » Ouais, c'est exactement. Et donc là, je me dis « Ah ouais, quand même, peut-être. » Peut-être une touche. Ouais, peut-être une touche, exactement. Et la vérité m'a éclaté au visage. Quand j'ai vu qu'il était posé sur sa bibliothèque de DVD, ça se dit comme ça ? Sa bibliothèque de DVD, ouais, ça... Son étagère à DVD. Voilà, son étagère. DVD-tech. Sa DVD-tech, exactement. Si ça, je crois pas que ça se dit, mais... Quand j'ai vu que tous les DVD étaient bien rangés comme dans une DVD-tech normale, sauf un qui était en face et qui était... Enfin, deux faces, pardon, et qui était bien en évidence, qui était... Je pense que c'était un message. Dont le titre était « Les meilleurs courts-métrages homosexuels ». Là, je me suis dit... Là, il plus trop, peut-être, de doute. En vrai, peut-être que cet homme était un artiste. Donc, tous les artistes s'intéressent... Non, un artiste spécialisé dans ce genre de dans de la création. Cause, la cause gay, peut-être, c'est voilà. Vrai. Après, peut-être qu'il ne l'est pas, mais c'est vrai que je suis passé une semaine dans ce Airbnb pour profiter un peu de Paris, quand Vincent y travaillait. Et c'est vrai que pour avoir vu cet homme de mes yeux, il est un petit peu efféminé, il a quelques manières... Il a effectivement le don de faire des petites remarques comme ça sur le physique, etc. Voilà. Il parle « bel homme, tu t'entretiens ». Il est très avenant et puis tomber sur ça, bon. Voilà, ça... Disons que les doutes se confirment, on va dire. C'est pas avéré, mais c'était marrant de mener l'enquête et d'avoir tous ces soupçons. Tu vois. J'aime bien mener parce l'enquête. Que de parler comme ça, genre de mener l'enquête, avoir des doutes et tout, ça me fait penser à un épisode de The Office. Ah. Qui s'appelle La Gay Chasse. Witch Hunt. Ouais, Gay Witch Hunt. La chasse à la sorcière il est gay. Très très drôle. Il est très drôle. Mais de toute façon, tout The Office est drôle en fait. Donc, ouais, allez regarder ça. Ne regardez pas ce podcast, regardez The Office, c'est mille fois mieux. Non, ce podcast c'est bien. Non, il faut être honnête. Bon, ok. Donc voilà, mais aucun problème avec ça hein, évidemment. Mais c'est juste que du coup, je me demande si. C'était marrant de savoir pas ou pas. Un peu ouais. Pécho, je sais pas. Mais bon, c'est là que ça aurait été peut-être un peu un problème, dans le sens où le gars met un Airbnb à disposition, ouais. Que tu viens chez lui, tu dors chez lui, genre dans la chambre à côté, il te fait des avances, machin. Bon, enfin, en soi, c'était pas des avances, mais voilà, c'est juste que ça posait certaines questions. Voilà. Mais bon, en tout cas, un homme très gentil. Moi, ouais, je me rappelle quand je suis parti, j'étais sympa. En retard. Et il m'a accompagné à la gare, il m'aidait à porter... alors qu'il était... Ça le mettait en retard, il m'a quand même aidé, donc... une crème. Ouais, une crème, cet homme. Très gentil. Mais voilà, c'était juste marrant de... on avait ce questionnement, on n'arrivait pas à trancher. Et c'était marrant de se dire... D'avoir la réponse. Il est ou pas ? On ne sait pas. Mais finalement, bah, on très est cool. Plutôt sûr. Très cool. D'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles un petit peu ? Non, je pense pas. Si, en fait, je lui avais dit que j'allais voyager avec Quentin au Japon. Et il m'avait demandé de lui envoyer... Allez, l'écouter. C'est mieux que The Office. Ça, c'est faux, par contre. C'est très faux. Il m'avait demandé de lui envoyer quelques photos de notre escapade. Du coup, bah, voilà, je lui ai envoyé quelques photos quelques mois après. Je rappelle qu'il t'a envoyé des nudes en contrepartie. Hein. C'est ça, exactement. Il m'a dit, envoie-moi des photos du Japon, je t'envoie une photo de... En fait, vous avez envoyé des photos des bains au Japon. Voilà. Les Hansen. On était comme ça... nu, bras sans dessous dessous avec bras sans dessus dessous comme ton français en fait. Je me suis clashé. Voilà. Non mais voilà, effectivement c'était marrant de on avait cette question qui nous taraudait un petit peu parce que voilà, comme dit, on a rien contre ça, mais on voulait juste savoir en fait, parce que il faisait effectivement des sous-entendus, des trucs comme ça, voilà. Bref, en tout cas, shout-out à lui, on ne prononcera pas son nom parce que voilà. Mais en tout cas, adorable, un homme adorable. André. Bonjour André, si tu nous écoutes. André, Michel, Jacques-Pierre, Xavier. C'est ça. C'est long. Ouais, bah, on l'appelait comme ça à chaque fois. Tout le temps, ouais. Bah, c'était un peu chiant, mais bon, au final, on s'y fait quoi. Bon bah écoute, on peut passer à ton anecdote, je pense. En parlant de The Office, il faut que je parle d'un truc en rapport avec Wurt d'ailleurs. Donc tout se recoupe, c'est formidable. On est dans un atelier de collage, on fait du bricolage. Non mais je sais pas si je parle de ça ou si je parle des anecdotes de clips, parce que tu peux en mettre plusieurs, hein. On est plutôt libre. Ouais, même. Mais ouvert ouais, à ça devrait éviter de faire 40-50 minutes. Je suis attaché à ce format maintenant, donc évitons peut-être de. Après, ouais. C'est vrai qu'on a un peu de temps. Bref, oui. Allez, j'enchaîne sur The Office et Wurt, vu que j'étais parti là-dedans. Mais du coup, voilà, je suis freelance et du coup, je collabore avec des entreprises qui font appel à moi pour du motion design, de la réalisation, du montage. Parfois, je vais sur les lieux, parfois, je suis en télétravail. Mais pour l'instant, ça se passe très bien, c'est très cool. Et il s'avère qu'un des clients avec qui je collabore souvent, qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. C'est juste que j'arrête pas de manger. T'arrêtes pas de manger, mais ouais. Comme ça ne me choque pas. Ça, tu le connais ? Absolument pas. Non, mais genre, j'ai passé ma main devant tout le monde là pour choper une chips et la tremper dans la sauce. Ouais, dans les alors, ça, toi ? C'est tout, moi. Et du coup, effectivement, Wurt est une entreprise avec laquelle je collabore énormément, tous les mois en fait. Et avant d'être en télétravail pour eux, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de place, j'étais dans leur bureau. Super équipe, bonne ambiance et tout. Franchement, l'équipe participe énormément au bon déroulement des travaux là-bas, parce que c'est vrai que bon, c'est pas forcément des boulots, des travaux qui sont extrêmement créatifs. Enfin, non, c'est plus créatif que passionnant, parce qu'effectivement... Bah en fait, ceux qui sont pas là depuis longtemps et qui viennent pas souvent, ils ont souvent les trucs un peu... Les trucs un peu de stagiaire, quoi. Répétitifs. Ouais. Je me rappelle, c'est la fusion de bases de données sur InDesign. Si vous savez ce que c'est, vous savez l'enfer que c'est. Je vais pas développer ce truc, mais paix à votre âme, parce que vous avez souffert, c'est sûr. Et du coup, voilà, effectivement, faire du graphisme avec des images de perceuses, bon, c'est pas forcément le plus excitant, mais c'est du travail tout de même. Et l'entreprise et l'équipe est franchement trop trop cool. Et il s'avère que quand je. Je tiens à signaler qu'il vient de prendre un bonbon avec une knacky et que je suis vraiment choquée. Bon, on va peut-être pas. Il a mis les deux. À chaque fois que tu manges, parce que finalement, on va tout le temps s'arrêter en fait. Il a mis les deux en même temps dans sa bouche. Franchement, c'était juste pour faire une blague en privé à Juliette. Super. Et je regrette. C'est voilà, bien. Je le dis. Bah, tu vas au coin. Je m'en vais. Salut. Ouais. Allez. Bah, allez, reviens, sois pas con. Reviens, Boudin. J'arrive. Référence aux inconnus pour ceux qui ne l'ont pas. Et du coup, effectivement, quand je bossais dans les locaux de Wurt, j'étais à côté d'un homme, un père de famille très cool qui a un nom. Voilà, je vais pas donner son nom. Appelons-le Patrick. Appelons-le Patrick. Il ne s'appelle pas du tout Patrick, mais appelons-le Patrick. Et donc Patrick est très très cool. Il a un peu cette vibes aussi second degré. qui sait vanner et en même temps qui sait aussi faire preuve d'autodérision et tout. Donc on s'entend beaucoup, on se lance des piques, on se vanne, on parle beaucoup et tout, c'est cool. Et du coup, au fur et à mesure, il y a vraiment une relation amicale qui s'est installée. Une alchimie. Exactement, une alchimie amicale qui s'est installée entre nous. Et puis, on commençait à se faire des pranks. Hein. Comment ça a été traduit en français déjà, les pranks? Très bonne question. Parce que, spoil, ça a été divulgaché. Mais je sais pas, prank. Faire des pranks. Prank faire en français à la rigueur. Bref, du coup, on commençait à se faire des pranks. Et c'est là où ça intervient par rapport à The Office. C'est que dans The Office, si vous n'avez pas vu la série, il y a deux personnages, Jim et Dwight, qui sont farce, une farce tout simplement. Voilà, tout simplement. On se faisait des farces. Des farces. Super, j'ai 6 ans. Et effectivement, ces deux personnages, Jim et Dwight, sont aux antipodes l'un de l'autre au niveau des caractères, mais ils se font tout le temps des farces. Et par exemple, dès le premier épisode, c'est le cas, Jim fout les affaires de Dwight à chaque fois dans de la gelée et tout. Donc il y a tous les épisodes, il y a des trucs comme ça. Une fois, Dwight, il emballe totalement, mais entièrement, le bureau, enfin toutes les affaires de Dwight dans du scotch, du coup il doit tout déchirer. Il y a une autre fois où il prend toutes ses affaires, il les met dans un distributeur normalement de boissons ou de snacks, ouais. Et du coup le gars doit payer pour récupérer son taille-crayon et tout, et sauf qu'il n'a pas d'argent parce que même son portefeuille est dans la machine. Ou alors, la fois où... Genre... Attends, je raconte, mais genre c'est incroyable, il doit payer pour... Non mec, attends, tu vas pleurer là? Il va pleurer. Du coup, il doit payer pour récupérer son portefeuille pour payer ses autres affaires. Sauf qu'il a pas d'argent pour payer son portefeuille. Du coup, Jim lui donne de l'argent, mais il lui donne que des pièces de 1 centime pour payer ça. Je trouve que c'est trop bien écrit, c'est incroyable. Et à chaque fois, c'est ça et c'est fou. Je voulais parler de quand Jim engage un acteur pour se faire passer pour lui. Du coup, il y a un gars qui prend la place de Jim, il est habillé comme Jim au bureau. Et il est asiatique, il fait... alors que Jim est caucasien. Voilà, donc, c'est ça. La différence et est flagrante. Il fait le boulot de Jim. Et alors, Dwight, il arrive au bureau, il voit ça, il dit, mais... Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Et il fait, c'est Jim. Très drôle, Dwight. Ça fait 12 ans qu'on se connaît maintenant. C'est ça. Et du coup, il fait, très drôle, il a engagé quelqu'un et tout. Et là, il y a la copine de Jim qui arrive et qui l'embrasse sur la bouche. Qui embrasse l'acteur sur la bouche. Comme si c'était vraiment Jim. et Dwight retourne une photo, la photo de famille avec la fille. Où normalement il y a vraiment Jim et il y a l'acteur. Et il y a l'acteur. Et c'est tellement drôle. Et genre, ils ont poussé le truc. Et c'est lui, il connaît même les mots de passe de Jim. Tous les gens dans l'entreprise font comme si c'était vraiment Jim. C'est trop et bien écrit. Et du coup, Dwight se demande même pas s'il est fou. À la fin, oui. C'est tellement drôle. C'est trop bien écrit. Mais bref, et du coup, Patrick et moi, j'ai failli dire son vrai prénom. Patrick et moi, on a commencé à se pranker et tout, et c'est allé de plus en plus loin. À la base, enfin, au début, c'était des post-it. Après, on enlevait une touche du clavier, machin et tout. Ça allait de plus en plus loin. On échangeait des fonds d'écran, tout ça. Putain, mais on a fait tellement de pranks. Et une fois, j'ai demandé à une amie qui bossait avec nous et qu'on a connue à l'IUT d'ailleurs. Shout out à elle si elle écoute ce podcast. Je lui ai demandé de mettre du rouge à lèvres. Et le but, c'était que je demande l'aide de Patrick qui vient de m'aider sur un truc. Et qu'au bout d'un moment, je me retourne et qu'ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Tu vois. Et genre, ça a trop bien marché. Pendant 10 minutes, il a rien capté. J'étais en train de taper. Je fais « Putain, mais je comprends pas. Est-ce que tu peux m'aider à régler ça et tout ?» Et il fait « Ouais, attends. » Il commence à vraiment faire des modifications sur mon PC. Il fait « Ah, tu pourrais faire ça comme ça, machin et tout. » Et ça dure 10 minutes. Il se rend compte de rien et tout. Et au bout, je fais « Heureusement que t'es là, merci et tout. » Et il me retourne et il fait « Oh putain, vous êtes trop con. » Parce qu'en plus, on avait aussi demandé à une autre collègue de venir me voir et qu'elle me dise « Bah dis donc, tu pourrais finir plus vite le truc et tout. » Enfin, on avait organisé tout un système et tout. Bref, une fois, j'ai aussi scotché son téléphone en dessous de son siège. Et du coup, c'était marrant parce que pendant 2 minutes, quand ça sonnait, il se demandait où ça allait. C'était trop drôle. On a fait quoi? On a fait des caricatures. Le papier toilette. Ah oui! Alors, le plus gros prank qu'on a fait, c'était justement après, quand j'ai commencé à faire du télétravail pour eux, et donc je quittais les bureaux, je ne savais pas quand j'allais revenir. Ce très cher Patrick a décidé Non, j'ai décidé de fêter ça et du coup de faire cette prank avec le téléphone scotché sous son siège. Les touches de le clavier en QWERTY avec des touches inversées plus des post-it par-dessus, enfin c'était insupportable, tu vois, mais je savais qu'il allait kiffer, il allait être vénère, mais il allait kiffer, c'est trop marrant. Et du coup c'est super, ça marche bien et tout. Et le lendemain je reviens parce que c'était mon dernier jour, je voulais voir sa réaction, donc je l'avais fait juste le jour pas avant de partir mais celui d'avant. Et du coup le lendemain j'arrive pour mon dernier jour. Et du coup, il est ultra vénère, il fait « Ah, t'as trouvé ça drôle, machin et tout ». Enfin, c'était trop cool, on en a beaucoup parlé. Et il faut savoir que lui, entre midi et deux, il va souvent à la boxe. Ou à la piscine, je sais plus. Je crois qu'il va à la boxe. Je sais plus. Ouais, je crois qu'il va à la boxe. Non, ou à la piscine, je sais plus. Mais boxe ou piscine. Peut-être les deux, il fait peut-être de la boxe dans de l'eau. Je et bref, de la waterbox. De la waterbox. Eh, il y a peut-être un concept. Hein. Je veux des royalties, hein, si vous inventez ça. Et du coup, bon, bah, comme tous les midis, lui, il part. Et je ne me soucie de rien, sauf que le soir, quand je vais voir ma caisse. Je mettrai une photo, mais j'arrive devant ma voiture et elle est pécufiée, en fait. Il avait mis du PQ partout autour de ma caisse et tout. C'était insupportable à enlever, c'était si long. Et c'est cool parce que j'ai réussi à me venger, puisque j'ai dû revenir pour eux une fois dans leurs locaux. Et là, j'ai triple pécufié sa caisse à lui. Le pauvre. C'était en plus parce que je ne savais pas laquelle c'était, mais sur le coup, il y avait des ouvriers qui travaillaient ce jour-là sur le parking et ils ont poucave en fait. ils ont indiqué c'était quoi sa voiture et tout. Du coup, je l'ai pécufié, c'était trop marrant. Bref, je trouve que c'est trop cool d'arriver à des situations où tu peux quand même travailler et être sérieux dans ton taf et en même temps avoir des moments comme ça où tu dis, mais. Normalement, tu sais, dans un bureau, ça pourrait jamais se faire un truc comme ouais, ça, tu vois. C'est clair. Enfin, c'était trop cool, voilà. C'est beaucoup ça quand on travaille dans un bar, c'est souvent des trucs comme des pranks, des petits bizutages. Ça c'est marrant ça. Genre la fois où vous avez genre pissé dans un fût de bière en faisant croire que c'était de la bière et tout, c'était trop fou. Ça. C'était dingue. C'est faux, hein, si jamais c'est complètement. Bah. Ah, ça c'est vrai, c'est arrivé. Non, ça franchement. Ouais, non, jamais. T'es malade. J'étais en train de suer. Là. Les pauvres âmes. Mais ouais, j'ai un cousin qui est rugbyman. Est-ce qu'il s'appelle Skeeter ? J'ai pas un cousin qui s'appelle Skeeter. Et en fait, le truc, c'est que lui, il était dans une école d'ingénieurs où ils avaient l'habitude de faire des pranks, mais horribles ! Vraiment, ouais. C'était des bizutages fois 12 000. Et quand il me racontait ça, je me disais, waouh ! Aucun plaisir. Bah ouais, pour personne. Que de la souffrance. Ça, je comprenais pas pourquoi il faisait ça, mais bon, ouais. Voilà, c'est leur truc, hein, les rugbyman. Des sacrés zigotos. Des zigotos. Des bons larrons en foire. Hein. On peut le dire. Hein. Les dindons de la farce, on peut le dire même. Non, par contre, en vrai, il y a eu pas mal de grosses controverses ces dernières années, des polémiques par rapport à certains bizutages qui ont très mal tourné. Il y a eu et des morts très et tout. Loin, je trouve ça complètement con, tu vois. Genre, c'est même plus. C'est des gens qui veulent même plus s'amuser, en fait. Ils veulent vraiment juste faire du mal, en fait. Et c'est terrible, ces gens-là. J'espère qu'ils finissent tous en taule parce que c'est ce qu'ils méritent. Bref. Yes. Parlons de choses plus joyeuses. Voilà, exactement. Bah, t'as peut-être une anecdote une. Ou alors on peut faire le jeu de la liste, du coup, finalement. Bah, mais ça fait qu'une anecdote chacun. Moi, ah, on a mis d'autres on anecdotes. On peut faire des anecdotes. Allez, courtes. Ou alors une anecdote courte. Allez, on fait quoi. C'est une anecdote de 3 minutes chacun. Ok. Tu commences. Ok. Je vais juste parler des... 3 minutes, donc attention à... Déjà, si on m'interrompt à chaque fois... Pardon, 21h30, tu dois avoir fini, c'est parti. Ok. Des réflexions misogynes, mais extrêmement misogynes, ou des mecs de 50 ans qui draguent les filles de 20 ans. Voilà, c'est tout. Enfin, voilà, des anecdotes misogynes, parce que par exemple, j'ai travaillé chez Flunch l'été de mes 18 ans. Et chez Flunch, il y a un truc, c'est les moules à volonté. Et ça me parle, ça. Ça inspire, hein. Ça inspire apparemment pas mal. Et donc, du coup, quand tu débarrasses un plateau avec des coquilles de moule et que t'entends derrière toi, il y a de la moule fraîche chez Flunch. Bah, excellent, c'est vrai. Ça. Sympa, en sympa. En c'est vrai. Ouais, peut-être qu'il parle vraiment de la nourriture. Oui, certainement. Sauf qu'évidemment, il te regarde en disant, c'est toi que je parle. Je parle de avec toi, le petit clin d'œil. C'est un sous-entendu sexuel. Non, ouais, hein. Non, ça, là, c'est gênant, je comprends. Ouais. Non, c'est très gênant. Et puis c'est pareil. Fin... Mais en plus, j'ai jamais compris les gens, même. Qui draguent lourdement. Mais même dans la rue, tu sais, qui sifflent, alors qu'ils font. Tu sais, ils passent à mais côté d'une femme. Mais ça ne marche pas. Mais arrêtez. arrêtez. Tu vois, genre, je ne comprends pas à quel moment... Quand il... c'est bien fait, ça peut être sympa. Oui, effectivement. Non, mais... bah, siffler, non, c'est jamais bien fait. Mais, je veux dire... Non, mais tu peux draguer dans la rue. Hey, un beau sifflement quand même. Ouais, hey, arrête de faire. Non, mais moi, je vais le voir direct. Est-ce qu'on peut écouter le mien? Peut-être, vous me dites allez, ce que vous en pensez. Sifflement, c'est nul à chier. Quoi? Non, je craque pas. Ouais. Non. Moi non plus, en tant qu'homme, je ne craque pas. Merde. Peut-être que Alain, lui, craquerait. Bah mon parce que, ouais, tu l'avais appelé André, mais c'est bon, du coup, t'as toujours pas dit son nom. J'étais en train de vérifier, je me suis dit, est-ce qu'il avait dit vraiment dit, voilà. Parce que sinon, je vais devoir biper, faire du montage et tout, bref. Mais ouais, c'est trop bizarre, les gens qui draguent dans la rue en disant genre, hey, trop charmante mademoiselle en passant à côté, genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Arrêtez. Comment pas, parce que c'est des gens, pour pousser à faire ça, c'est forcément des gens qui sont tout le temps rejetés ou qui sont frustrés, mais je veux dire, c'est la pire chose de faire ça parce que jamais ils seront acceptés. Enfin bref, je sais pas. Oh, arrête ton chat, mec. Il vit sa meilleure vie. Tout à l'heure, il fait des positions trop chelous. Oh, il est tellement bien là. Et là, les gens qui regardent le podcast sur YouTube, ils savent même pas. Si vous verriez ça, vous seriez au paradis. Ouais. Vous savez pas ce que vous ratez. Franchement, c'est la plus belle chose que j'ai jamais. Parce que lui, il y est clairement. Oh, aïe, aïe, aïe. Là, bref. Là. Ouais. Du coup, Vincent, une petite anecdote pour toi. Alors, moi, j'ai pas réussi à trouver d'anecdote, là. Ok, j'en ai pas sinon j'enchaîne. Venu. Ouais. Et après, on fait le jeu. Alors, anecdote, cette fois-ci, de clip. Une fois, on allait tourner dans un bâtiment d'Urbex, donc un bâtiment abandonné. Faites très attention avec l'Urbex. C'est vraiment une des meilleures choses, une des meilleures expériences que j'ai eu la chance de faire. Mais faites très attention, parce qu'il y a vraiment des bâtiments qui sont insalubres, qui peuvent être très dangereux, ne serait-ce que par l'amiante ou alors avec des pièces qui peuvent parfois s'effondrer. Je connais des gens qui sont paraplégiques parce qu'ils ont fait une mauvaise chute, donc vraiment l'Urbex, faites gaffe à ce niveau-là. C'est très cool, mais faites attention. Et du coup, une fois, on tournait un clip dans un lieu d'Urbex. Dans un lieu d'Urbex. Un lieu d'Urbex. Au Québec, avec des mecs. Non, et du coup, c'est le clip, si jamais vous voulez le voir sur YouTube, c'est Ozak. Ça fait sa pub. Non, mais ouais, si ça peut vous intéresser pour voir de quoi je parle, c'est Ozak Tchétché, voilà. Donc C-H-E espace C-H-E. Et du coup, justement, le morceau s'appelle Tchétché parce que dans le refrain, il dit, je sais plus ce qu'il dit. Ça fait il dit la mort ou Tchétché, c'est ça? Non. Et il dit, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il y a ce mot Tchétché. Et quand on ne sait pas ce que ça veut dire, je crois qu'il dit ou je les baise ou Tchétché, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une rythmique en fait sonore. On n'est pas là pour juger, ok? C'est Et le truc, c'est que le jour où on est allé sur les lieux, il y avait des gars qui faisaient de l'airsoft, mais comme s'ils étaient vraiment à la guerre, tu vois. Genre, ils étaient ultra violents, ils se déplaçaient super vite, ils se donnaient des ordres, ils se tiraient dessus sans foi ni loi, tu vois. Un champ de bataille, tu vois. Et sauf que nous, on est en train de tourner avec l'enceinte, du coup, ça s'entend beaucoup. Et en fait, ces gens étaient des Tchétchènes. Qui croyait du coup que le gars disait je nique les Tchétchènes, tu vois, genre et du coup au bout d'un moment il y a un Tchétchène qui débarque qui fait genre facile mais 2m20 sans déconner, hein, qui est deux fois large comme moi, qui parle très mal français, qui fait qu'est-ce que vous êtes en train de raconter machin et tout. Donc le gars clairement il commence à nous embrouiller et tout. Du coup il a fallu qu'on lui explique, sauf qu'il parlait super mal français, donc ça a été un enfer pour lui expliquer, parce qu'ils étaient il y avait tous ses potes qui pouvait facilement nous mettre en joue, nous tirer dessus ou je ne sais quoi, tu vois. Et d'ailleurs, là où on s'est dit que ça pouvait dégénérer, c'est que pendant que je parlais avec lui, il y avait un des gars du groupe qui nous avait contourné, qu'on n'avait pas vu, qui nous avait contourné en mode ninja, très furtivement, et qui du coup s'était retrouvé derrière nous, en fait, avec son arme et tout. Donc, pour le coup, c'était un peu... Il y avait vraiment pas mal de tension, tu vois. Mais c'est aujourd'hui, j'en rigole parce que je me dis, c'est aberrant, tu vois, un truc comme ça, genre, c'est... Ah, c'est dingue. C'est drôle, mais voilà. D'ailleurs, en parlant de clip, on a sorti un gros clip avec Rob, qui était l'invité de la semaine dernière. Bip, bip. Allez voir ça si vous ne l'avez pas vu. Vraiment très cool. Ouais, j'ai participé au tournage. Je suis dans la vidéo, en fond. Alors, je bouge un petit peu. Hein. Vous pourrez me voir danser. C'est tout pas mal. Scène de nuit, effectivement. Mais il y a d'autres clips qui arrivent où Vincent joue. Notamment un clip avec une actrice de France 2. C'est vrai. Et ça, mec, tout le monde ne le fait pas. Hein. C'est ça, exactement. C'est la classe. La classe, la grande. Une mannequin classe. En plus, on peut dire. Et elle joue, femme, elle joue toi. Ma femme hein, dans le clip, je veux dire. Heureusement que c'est de la fiction. Ouais, je peux l'avoir qu'en fiction, ça. pour finir, on va relancer la caméra maintenant. Et re. Re tout le monde. Du coup, ce jeu est directement inspiré de McFly et Carlito. notamment de la série de vidéos avec Big Flo et Oli. Le Méli Mélo. Le Méli Mélo, puisque là, en fait, c'est une liste en fait, où on a plein de trucs qui sont théoriquement drôles. C'est pas pour enfin, qui théoriquement pas drôles, mais comme il faut le lire en étant ouais, mais le plus sérieux possible. Si au bout d'un moment tu rigoles, c'est que c'est forcément drôle, tu vois. Parce que sinon, ouais, ça te ferait pas rire. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est tellement claqué en vrai que normalement, c'est pas drôle. Enfin, c'est, oui, c'est très bizarre, mais le but, c'est d'essayer d'enchaîner tout ce qu'il y a écrit avec au maximum une seconde de pause entre chaque mot ou phrase. Et il faut finir la liste sans avoir rigolé une seule fois. Juliette, je te laisse commencer. Tu donnes ou tu commences en lisant ? Non, je donne. Ok, donc c'est Vincent qui commence. Tu peux lui filer ta liste. Ok. Ça vient. Non, le code, t'as les t'as les codes des armes nucléaires sur ton téléphone ou quoi ? Allez, on y va. Ok. Et c'est parti. Chirac, ornithorynque, babache, branquignol, cucurbitacé, trace de pneus, troubadour, aquaponais, boubours, tapenade, Jack Hugman. Jack Hugman. C'est une privée joke, désolé. Prout. Et mais prout. Prout. Et après, tu peux continuer en prout. Ah oui, jusqu'à. Il y a encore des prouts, tu rigoles. Non, il n'y a plus de. Ah. Oui, je ne savais pas quoi mettre. Vous m'avez dit de mettre prout. Mais ouais, le Jack Hugman, c'est sa maman. Qui a dit oh, c'est qui cet acteur déjà, c'est Jack Hugman au lieu de Hugh Jackman. J'avais même pas fait le rapprochement, c'est dingue. C'était trop drôle. C'était vraiment trop drôle. Ma mère avait fait un peu la même chose, genre elle avait vu une pub à la télé pour Yves Saint Laurent et elle avait dit c'est quoi déjà, c'est Saint Yves Laurent, non? Elle est vieux, mon pote, hein. Non, du coup c'est je commence, enfin, je continue, pardon. C'est quoi, je lis tout? C'est quoi, c'est la non, deuxième liste? C'est que la première. Ouais, elle est courte, hein? Ouais. Ok. Mais si tu veux, tu peux enchaîner sur la deuxième, mais. Alors? Non, que la première. Batou! Psst! Pot-au-feu, God, Zob, Ricola Sarkozy, Blatt, Sartre, Poubelle, Brunette with Boobs, James Bond, La Péta, Le P, Alain Souchon, Bitancourt, Booba Caprice, Loutre, Poutre, Larron en foire. Oh, il l'a passé. Je sais pas comment on l'a fait. J'ai vu ça. Ouh. Genre le Alain Souchon, tu vois, il est normal, mais en fait, il est tellement placé là en mode qu'est-ce qu'il fait là. Tu sais, tu t'imagines le gars qui est au milieu comme ça. Alain Souchon. Mais moi, ce nom, il m'a toujours fait rire. Alain Souchon. J'enchaîne sur la deuxième parce que je m'en souviens pas. Vas-y. J'essaye. Ouais. Zbr, salam, malgache, tarbouche, babouche, postiche de fouf, Asian big tits with dogs, les ça gars, c'est dégueulasse, enfin. Zbub, abricot, asticot, cocalo, coller la petite, doigt, trou, comparse, bite en cours, de nouveau, booba, caprice de nouveau, ouais, j'ai aussi. La guerre, kinvé, je baisse pas. Il passe difficilement si là. Mon son est pourri. P, sexy, nexi, Quentin, port, porte, Porsche. Mais en vrai, je pense que j'ai perdu parce que sur le jeu baisse pas, j'ai mis trop de temps. Bon, bah écoute, bien joué. Et maintenant, la dernière à passer. Oh, je suis nul, mais nul. Je te préviens tout de suite. Allez, c'est parti. Bah, nous, c'est notre humour, mais comme t'es plutôt aussi dans la vibes, je pense que ça devrait être efficace. La vibes. C'est parti. Ah non, mais déjà, ça. Allez, c'est parti. Non, mais... c'est parti. Pipi. Ça commence par le premier mot. Pipo. Popo. Caca. Qui a fait quand même. Yes. C'est le mec, à chaque fois elle fait mouche. C'était qui a du caca qui collait au cul, je m'y attendais vraiment pas. Je veux bien. Allez, continue. Au moins c'est fini là. Cucu Clan. Michael Scott. Michael Scotch. Jim à la gym. Dwight Choucroute. Cacaris. Non, mais là, non. Non, non, mais il y en a un qui arrive et qui est mort. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est Guy Gros, Nekfiot, Adrien Meignet, le Nundingdong. Ça, c'est une privée. Je... Ouais, ouais, celle-là, ouais. Bruno Sodo. Fromage, auxiliaire de puériculture. Henri, lèche-moi le cul. Mec, la mienne, elle est hardcore, j'avais oublié. Mais vous êtes chiant. Oh, mais là, c'est ça le but, tu vois. C'est que les gens, ils peuvent pas finir. Donc forcément. Oh non. Allez, allez. J'y sais ce qu'elles disent toutes. Titanic, ta mère, ça va. Quoi? Ta seule issue, c'est la bagarre. C'est une privée joke aussi. Ok. Prout. Papier prout. Papier prout. Prout, prout, prout. Prout. Pet de fouf. Voilà. Ouh, you c'est made it. C'est vrai que la tienne, elle est vraiment dure à passer. Je l'ai travaillée. Hein. C'est ce qu'elle me dit. C'est de l'art. La mienne, c'est de l'art. Ouais. Bravo. Alors, de l'art. Ouais. Je sais pas si c'est le mot que j'aurais employé. En tout cas, mais... on va essayer de faire un jeu un peu comme ça. À chaque fois, une chaque rubrique. Fin de podcast. Et je pense que c'est pas mal. Moi, ouais, bien c'est aimé. Drôle. C'est marrant c'est, un peu. Comme ça, on finit un peu sur une autre note. Puis c'est ouais, cool. Parce qu'on avait toujours l'habitude de finir sur un truc triste qui a arraché aux larmes. Exactement. Très mais émouvant. Et tu te souviens la fois où on a énuméré chaque mort de la Seconde Guerre mondiale? Ouais. Alors ouais. Déjà, c'était long, mais c'était un peu et long. Le but, c'était mais de pas rire. Mais ceci dit, c'était ouais. Intéressant. Mec, à chaque mot, chaque nom, chaque lettre, oh. C'était MDR. Non, PAE, bien sûr. Ouais, bien sûr. Quelle tristesse. Bon, voilà, ben je crois que on devait terminer sur une note. Merde. C'est un peu regarder raté. Le chat qui dort, c'est oh, trop bien. C'est voilà. Trop chaud. Du coup, bah, je pense qu'on peut finir là. Est-ce que tu t'es amusé? Carrément. Bah avec vous, je m'amuse toujours. Oh. Allez, allez. C'est vrai. Là. C'est parce que je vais être réinvité en fait. T'inquiète, ça viendra forcément. Est-ce que on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, non, comment, où ça? T'as pas envie, non? Bah c'est pas ça. C'est... Enfin okay, Juliette bah, Sojka sur tous les réseaux, mais après faites ce que vous voulez. Sojka, S-O-J-K-A. Voilà. Polonais, hein, si c'est vous ça? Voulez. Exactement. Exactement, bien sûr. Du coup, on dit Sojka, non? Du coup, en vrai. Sojka. Ouais. Ouais. Je l'ai 23 ans. Ouais. Moi, je le savais. Il ça. Le savait. Peut-être. Bon. Vincent, un petit mot de la fin? Bitancourt. Non. Jamais 203, j'ai envie de dire. Oui. C'est vrai, pardon. Juliette, un petit mot de la fin? Henri, lèche-moi le cul. Il est dur. Celui-là, il est dur à passer. Écoutez, bah on s'est bien marré. Le prochain épisode, je ne sais pas de quoi ça parlera. En tout cas, on espère que celui-ci vous a plu, que vous êtes bien amusé. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours mettez la cloche. Plaisir. Mettez la cloche. Et ding dong, ding dong, la cloche, elle ne va pas se mettre tout seule. Hein. un petit commentaire sur votre liste. Tenez, mettez votre liste, vous, dans les commentaires. Et ça puis, va nous faire rire. On pourrait, on pourrait peut-être plus tard faire un épisode où on lit les vôtres. Ah, ce serait extraordinaire. Oh, ça serait ouais, ce serait cool. En tout cas, portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Salut.